J'suis une petite machine de guerre audio d'un mètre 70. La rythmique des problèmes trempés dans le sang, pressés dans un compact disque. 6570 jours dans les côtes. Le foot, le basket à Chego. Bientôt l'école. Les réalités du milieu choc. Les peuclis Jay-Z, les jets inaccessibles. Des bêtes de fantasmes et des récits. Mixté par-ci, compile par-là, je traverse un champ de désert de chiens. En mécanique avec Cox, on a fini par l'huiler. Qui sait d'où il vient? Il saura où il va, qui il est et où il est. Prends mon best-of dans la mâchoire, roots, rétrospective sur des scratchs de destruction massive. Jenny Butch. Soldats sans grade, ou rien du tout.